Pass me the lighter. Magasco. Oh. Naraba. Dos de la famine. Ce meurt crack. Original day. 237. I still remember. Faut pas oublier. Yeah. The way we be hustle. Me, myself and I. I still remember. Faut pas oublier. The way we be suffer. Me, myself and I. Everything with the coming a double. Batman one chop for me hustle. Champagne okay for me boss. Me, myself and I. Faut pas oublier. Faut pas oublier. No, no. Every time when I enter Bugatti. Me, myself and I. Je crois ni à la malchance ni au hasard. Moi je ne crois qu'au rendez-vous manqué. Laisse donc baver les bavards. Nous on sait ce qu'on a traversé pour monter. Toutes nos lergas, nos sacrifices. C'est vrai que le passé ne fut pas si pisse. Ils se foutent de mon parcours, ne voient que ce qui brille. S'il vous plaît, gardez loin de moi ces artifices. Ils voudraient gagner la guerre sans être prêts à souffrir. Ils veulent atteindre le paradis sans être prêts à mourir. Faut pas oublier, faut pas oublier. Every time when I enter Bugatti, me, myself and I. Faut pas oublier, faut pas oublier. Every time when I enter Ferrari, me, myself and I. J'avais de la dope dans la cuisine. Je me mouillais quand c'était sec. J'ai fait des piges dans la musique. Avant j'ai touché mon premier chèque. Béni soit mon équipe. Même si je sais qu'on va crever tout seul. Mais ce soir on est sur la piste. Laissez faire l'artiste. Admire la manière dont on perd des spécialistes. Everything every start not for water. See the music just the enter for your nama. Every place where we go people holla. Oh na na na na. Everything every start not for water. See the music just the enter for your nama. Every place where we go